Le sentiment national, ça dépend des niveaux de société auxquels on peut faire référence. Mais nous, on a évoqué le traité de Verdun en 843. Le traité de Verdun en 843 qui partage l'Empire de Charlemagne par les petits-fils de celui-ci. La distinction entre la Francie orientale, que l'Allemagne si on veut, et la Francie occidentale, la Gaule de l'époque, la France actuelle en partie, elle se fait sur une base linguistique. Donc on a le sentiment d'une réalité culturelle qui définit un espace politique, qui définit un espace qu'on n'appelle pas encore nation, mais qui le devient plus tard, à l'évidence, au XIVe, au XVe siècle, avec le conflit des deux couronnes françaises et anglaises. Jeanne d'Arc accepte de mourir pour autre chose que Dieu, pour autre chose que la référence religieuse, elle accepte de mourir pour la défense du royaume. Donc là, on a, et c'est évident, et c'est pas seulement Jeanne d'Arc, le mot est anachronique, mais les maquis anti-anglais ont fait de très nombreuses victimes chez les paysans, chez les simples paysans. Donc il y a au XIVe, au XVe siècle, c'est sûr, un sentiment national qui s'exprime évidemment pas dans les termes de la Troisième République, mais qui s'exprime par l'adhésion à une réalité qui dépasse l'horizon du village ou du pays et qui voit son destin comme différent de celui d'un autre destin national, celui de l'Angleterre en l'occurrence. Et tu sifflotes, tu dis tchoun. Sur le château aussi. Écoute. Hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons.